Ashrat ou Sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps, qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu kadarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-isharu uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Donc on continue avec les signes de la fin des temps, bihawlillah azza wa jal. Et ce soir, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, on va parler de deux signes qui font partie des signes de la fin des temps et qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, et je vais traiter ces deux signes en même temps, si Allah subhanahu wa ta'ala me le permet, car ces deux signes se réunissent et se rejoignent quelque part, comme vous allez voir, bi'idnillah azza wa jal. Rawahu al-imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, min hadithi Abi Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda qal, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقولا. Écoute bien ce hadith Abdallah et médite quant à ce hadith et regarde la réalité des choses et ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Ne viendra pas la fin des temps jusqu'à ce qu'un homme passe devant la tombe d'un autre homme بقبر الرجل فيقولا يا ليتني مكانا. Si seulement je pouvais être à sa place, sous la tombe, avec toutes les exhortations que peut-être cet homme-là aura entendues concernant la mort, elle monte, avec tous les supplices qui ont été décrits dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, Obama peut-être qu'il les aura lus, avec tout ce qu'il aura entendu concernant al-akhira, l'au-delà, peut-être que cet homme-là passera devant la tombe d'une personne qui est déjà enterrée et qui dira ya laytani makana. Si seulement, seulement je pouvais être à sa place. Bisababiyash. À cause de quoi? Qala al-ulama, à cause de l'fitan. L'excès d'épreuves. L'excès d'épreuves qu'il vivra. Il n'arrivera plus à supporter ses épreuves comme il se doit. Il n'arrivera plus à patienter comme il se doit. Il y aura tellement de troubles. Il sera touché par tellement d'épreuves. Il aura tellement de problèmes. Il n'en pourra plus jusqu'à ce qu'il va dire, ya laytani makana. Si seulement je pouvais être à sa place, c'est-à-dire touché par al-maut, la mort, wa al-iyadu billah. Na'am ayyuhal ahibba, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit, formellement, catégoriquement, clairement, de souhaiter al-maut, de souhaiter la mort. Ça c'est interdit en islam. Mais il y a une invocation spécifique quant à celui qui vit une épreuve, ici qu'il a du mal à supporter, et il voit qu'il va peut-être, yani, tomber dans une chose qui est illicite, tellement que l'épreuve est dure, et intense, et terrible. D'accord, il y a une invocation. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous hâte la mort, al-maut, si cela est un bien pour nous, et si cela est meilleur pour nous. Et qu'il la fasse retarder, si le mieux et le meilleur pour nous, c'est que cette mort soit retardée. Et on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, écrit. Souhaiter la mort, ou souhaiter la mort indirectement, par exemple, en disant j'aimerais être à la place d'un tel qui est déjà mort, wal'iyadu billah, nous disons non, non, non. Ça ne fait pas partie de l'islam. لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah, il ne pose pas ou il n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Si Allah te donne des épreuves, si Allah Azza wa Jalla te fait vivre des problèmes, si tu te retrouves devant des situations périlleuses, terribles, dans des situations qui sont difficiles à vivre, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Premièrement. Deuxièmement, sache que c'est toi qui as provoqué ce mal. Et certes, Allah Azza wa Jalla a créé le bien et le mal. Walakin toi, tu as provoqué la venue vers toi de ce mal. Tu as provoqué le fait que tu es tombé dans ce mal. فَهَذَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Ceci est dû à ce que les mains des gens ont causé. وَلَكِنْ دُلَا أَدِيرُ. Quand tu passes devant une tombe, si seulement j'étais à cette place, Si seulement j'étais à cet endroit, si seulement j'étais à sa place, à la place de celui qui est enterré et qui est dans la première demeure parmi les demeures de l'Akhirah, فورب الكعبة tu n'as pas compris comme il se doit cette noble religion. وهذا من أشرات الساعة كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et ça on le voit. Pourquoi je dis peut-être que la personne aura entendu des versets coraniques sur l'au-delà ou des rappels sur l'au-delà, sur la tombe, sur l'islam, sur ce qu'il attend? Parce que wallahi on le vit au jour d'aujourd'hui. Des musulmans et des musulmanes, parce qu'ils ont tellement d'épreuves, soi-disant ils en peuvent plus et ils disent quoi? Wallahi, j'aimerais bien même mourir. J'en peux plus. Quelquefois, j'ai même des idées de me suicider. Quelquefois, j'ai envie de me suicider. Non, même des gens qui disent, ça y est, je vais me suicider. Moi, j'ai eu ces cas-là. Combien de gens, ils envoient des mails? Ça y est, je suis au bout du rouleau. Et Fawarab del Kaaba, ce n'est pas par orgueil, ou par vantardise, ou pour dire je ne sais qui, que je ne réponds pas aux mails, ou que certains prédicateurs ne peuvent pas répondre à tous les mails, car c'est quasiment impossible. Et des gens, quand ils renvoient d'autres mails parce qu'on n'a pas répondu aux mails, classe, vous n'avez pas répondu, je sais ce qu'il me reste à faire, le suicide. Subhanallah. Des musulmans, dans la communauté du prophète, alayhi sallam, plein, Fawarab del Kaaba, plein. Moi, je vous dis plein, ne serait-ce qu'en France. Que dire de, dans le monde, à l'échelle mondiale? Je ne dis pas qu'ils se suicident. Ah, je ne dis pas qu'ils se suicident. Bien qu'il y ait des musulmans qui se suicident. Et nous, on a déjà vu des situations telles où on a dû, ici, avoir, yani, la réflexion de, est-ce qu'on doit prier sur lui ou est-ce qu'on ne doit pas prier sur lui? Est-ce qu'on peut le laver ou est-ce qu'on ne peut pas le laver? Naam. D'où est venue cette réflexion? Car le fait était là devant nous. Une personne musulmane ou musulmane qui s'est suicidée. Donc après tu dois faire des recherches. Est-ce qu'elle priait ou est-ce qu'elle ne priait pas? Regardez ici ce qu'ont dit les gens de science. Rentrez dans la divergence des gens de science. Mais pourquoi? Pourquoi en arriver là? Un musulman qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui a entendu peut-être pendant des années qala Allah wa qala Rasul alayhi salatu wa salam, il en arrive à se suicider à cause de soi-disant, j'ai trop d'épreuves. Il faut savoir, ayyuhal ahibba, que ceux qui ont reçu les plus grandes et les plus dures et les plus terribles des épreuves, ce sont al-anbiya et wal-rasul, les prophètes et les envoyés. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a permis de se suicider? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux compagnons de se suicider quand ils n'en pouvaient plus, alors qu'ils étaient persécutés à un point où ils étaient au bord du rouleau, entre guillemets, comme on le dit et comme on l'entend beaucoup au jour d'aujourd'hui? Avec cela, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu wa arda, il vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, alors que le prophète il est accoudé à la Kaaba, alors que le prophète est près de la Kaaba, alors que le prophète ne parle qu'avec révélation, il ne parle pas poussé par sa passion. Ya Rasulallah, ya Rasulallah, invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il nous secoue. On n'en peut plus, ya Rasulallah, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il se lève, il se met en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam se met en colère. Alors que c'est qui en face de lui? Un compagnon qui a dit, ya Rasulallah, j'en peux plus, je veux me suicider. Et ya Rasulallah, pourquoi Allah est injuste envers nous? Abadan. Il dit simplement, ya Rasulallah, invoque Allah Azza wa Jal, l'épreuve est terrible pour qu'Allah Azza wa Jal il nous secoue. Le prophète il se lève et il se met en colère. Que dire de nous? Que dire des gens qui disent, j'aimerais être à sa place, à celui-là qui est enterré ici. Ou quand il entend un mort, il dit, Sa'adatu, Da'ada lui il est mort, qu'il repose en paix, au moins il va goûter à la tranquillité. Ou alors on entend des paroles comme, si c'est pour vivre, et vivre ce que je vis maintenant au jour d'aujourd'hui, ces épreuves, ces malheurs, Bnax, j'ai même pas besoin de vivre, Wallah autant mourir. Khabbab ibn al-Arat, il dit simplement ça au prophète alayhi salatu wassalam, et voilà que la meilleure des créatures alayhi salatu wassalam, il se met en colère, et il dit avant vous, et il y avait des gens qu'on enterrait ici jusque la tête, jusqu'au cou. Et ici, qu'est-ce qu'ils faisaient de ces personnes-là? Ils ouvraient leur tête, leur crâne en deux, et on arrachait à leur crâne avec des peignes en fer, et avec cela, ils ne renonçaient pas à leur foi. Et ils restaient fermes. Ces gens-là, avec ces épreuves-là, ils restaient fermes. Regardez l'exhortation du prophète, alayhi salatu wassalam. Il appelle l'ensemble de la communauté à faire rappeler aux gens, quand ils se retrouvent dans des situations terribles, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. À l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des gens, quand vous vous retrouvez dans des épreuves, ah, le prophète, il a rappelé, qu'il y avait pire. Et avec cela, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils n'ont varié aucunement quant à leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit avant ça, regardez qu'il y avait. Et regardez ce qu'ils ont subi. Ils sont restés fermes. Allah nous rappelle, et le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle, ayyuhal ahibba, quand tu te retrouves face à des problèmes, ou une personne est en face de toi, et se retrouve face à de gros problèmes, rappelle-lui les gens qui sont dans des situations bien pires. Je ne dis pas pire, bien pire que la sienne. Et fawarabbil ka'ba, il suffit d'allumer la télé et voir les informations. Ou il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde à travers certains sites internet, et tu verras, ya Abdallah, que nous sommes dans une ni'ma. Tu veux boire, il suffit d'ouvrir le robinet. Tu veux manger, il suffit de sortir de chez toi à faire quelques mètres pour acheter à manger. Au jour où il y a des gens, comme on l'a dit et on l'a répété, ils font des kilomètres et des kilomètres, et ils ne trouvent même pas une monture pour pouvoir monter sur cette monture et aller chercher de l'eau, alors que cette eau n'est même pas potable. Et avec cela, quand ils boivent cette eau, ils disent Alhamdulillah. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم comme le prophète عليه الصلاه والسلام nous l'a enseigné. Des gens au jour d'aujourd'hui qui disent ça, je veux me suicider dans la communauté du prophète عليه الصلاه والسلام, pourquoi j'en peux plus, j'ai trop d'épreuves. Et ben regardez ce que le prophète عليه الصلاه والسلام a dit, لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا. Le prophète il a dit, ne viendra pas la fin des temps, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'homme passe devant la tombe de l'homme. Ah, celui qui dit ça, à lui-même, il est en train de vivre un signe parmi les signes de la fin des temps. Quand il parle, regarde devant toi, un signe parmi les signes de la fin des temps. Quand tu entends ça, sois sûr, ya Abdallah, que nous sommes en train de vivre ce signe qui fait partie des signes de la fin des temps. Et quand l'homme passera devant la tombe de l'autre homme et dira, si seulement j'étais à sa place. Quelle honte de dire ça. Wallahi al-Azim, c'est une honte de dire ça. Et pourquoi pas? Regarde les salaf, radiyallahu anhum wa ardahum. Comment ils ont compris, ayyuhal ahibba, la gravité de l'maut, la mort. La gravité de l'qabr, la tombe. La gravité de ce qui nous attend dans l'au-delà, al-akhira. Comment ils ont compris ça? Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Ils l'ont interrogé. Ils l'ont dit, ya Sufyan, ma laka la tanam. Qu'est-ce que tu as à ne pas dormir? Pourquoi tu ne dors pas? Pourtant, on sait que le sommeil, c'est un repos pour l'âme, pour le corps, pour le moral. C'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a pas ordonné de ne pas dormir. Mais avec cela, il avait du mal à dormir. Il ne dormait que quasiment pas, ou alors quasiment pas. Il ne dormait que très peu. Il lui dit, et il lui dit, Ya Soufiane, ma laka la tanam, pourquoi tu ne dors pas? Il dit, Wallahi par Allah, à chaque fois que je me dirige vers mon lit, et que je m'apprête à dormir, tadhakkartu al-qabr, je me souviens de la tombe, et voilà que le sommeil s'en va aussitôt. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, à chaque fois il ne dormait pas. À chaque fois qu'il voulait dormir, il se rappelait al-mawt, il se rappelait al-qabr, ah, al-qabr, la tombe. La tombe, alors qu'il y a des gens qui passent devant la tombe, disent, j'aimerais bien être à sa place. Sufyan al-Thawri dit, j'arrive même pas à dormir. Pourquoi tadhakkartu al-qabr? Je me suis rappelé et je me rappelle à chaque fois de la tombe. Et je me dis, comment dormir? Je n'arrive pas à dormir. Le stress, l'angoisse, les soucis. Maintenant très peu, ayyuhal ahibb, n'arrive pas à dormir, illa man rahim Allah. À cause de quoi? Parce qu'il pense à la mort ou à l'au-delà ou à la tombe. Voilà qu'il beaucoup, énormément. Regarde les statistiques. Ne serait-ce qu'en France. Au jour d'aujourd'hui. Combien de personnes, ayyuhal ahibb, n'arrivent pas à dormir? N'arrive pas à dormir le soir sans somnifère. Combien? Si mes souvenirs sont bons, une fois j'ai vu dans des informations, ils disent, au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 6 Français sur 10 qui n'arrivent pas à dormir si ce n'est qu'avec des somnifères. Ajib. Qu'avec des somnifères. Et pourquoi ils n'arrivent pas à dormir? Masha'Allah. Parce qu'ils parlent, ils pensent tous peut-être à la mort. Al-Qabr. Al-Akhira. Al-Shams. Fawq al-Ru'us. Quand le soleil sera au-dessus des têtes, abadan. Voilà qu'il pense à quoi? Les choses de la vie d'ici-bas. L'argent, ad-dunya, les enfants, l'épouse, les biens matériels, etc., etc., etc. À cause de ça, il n'arrive pas à dormir. Mais imagine-toi le degré, ayyuhal ahibba, de compréhension, d'intelligence qu'avait as-salaf. Et parmi eux, Sufyan al-Thawri. Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? À chaque fois que je me dirige vers mon lit, que je m'apprête à dormir, je me souviens de l'qabr, de la tombe, et voilà que le sommeil s'en va aussitôt. Ça c'est salaf radiyallahu anhu wa ardahum. Ha'oula, ayyuhal ahibba, ceux qui ont compris la calamité ou le malheur terrible que c'est, qui est le maut, la mort. Au jour où les gens disent, je souhaiterais être à la place de Foulain qui est déjà décédé, wa l'ayyadu billah. Wa hadha min ashrati sa'a ayyuha al-ahibba. Et bien plus que cela, ayyuha al-ahibba. Parlons un peu de la mort. Et ça, c'est un message à ceux qui disent, je veux me suicider, j'en peux plus. Vous n'avez pas compris, comme il se doit, ce que c'était que la mort. Et ce qui nous attend, je dirais pas dans un siècle, je dirais pas dans 100 ans, je dirais pas dans 10 ans, peut-être dans quelques secondes. Peut-être. Personne n'est à l'abri de mourir dans quelques secondes. Personne. Ça n'existe pas. Sur la surface de la terre, bouddhiste, chrétien, juif, noir, blanc, fort, faible, femme, enfant, grand, personne. Tu sais pas. On n'a aucune assurance. Et avec cela, on rit. Et l'insan, illa man rahimallah, reste dans ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance. Alors qu'on le sait tous et toutes, ayyuha al-ahibb, que simplement pour voyager, on prépare des choses, même si le voyage va durer que 2 semaines ou 1 semaine. Mais pour al-maut, peu importe. Même pas ici, tu es arrivé à destination quand tu veux voyager, mais simplement avant de partir, ici, tu prépares pas le moment quand tu vas arriver à destination, mais juste le chemin, la route. Et tu vas assurer ton véhicule, parce que tu as peur qu'il t'arrive un accident sur la route. Et tu vas faire des vérifications sur ton véhicule, car tu as peur de tomber en panne sur la route. Et tu vas faire ceci, et cela, et ceci, et cela, et ceci, et cela, juste pour arriver à destination. Même Fawarab bil Kaaba, de façon générale, tu fais 300 km ou 400 km. Une personne qui va vouloir avoir un travail convenable, et avoir une bonne paye à la fin du mois, il va sacrifier du temps. Il va sacrifier, ici, beaucoup d'efforts. Il va donner beaucoup d'efforts. Il va laisser de côté sa famille, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, le temps de se former pour avoir un travail à la fin, ici, de sa formation, qui pourra, ici, le satisfaire quelque part. Et il va sacrifier. Et plus le travail, entre guillemets, est noble, et plus le travail, ici, va t'apporter une grande somme d'argent, et plus la personne sera obligée de sacrifier pendant des années, de sacrifier. Et pareil pour chaque chose, ayyuha al-ahibb. Quand tu souhaites une chose, avant d'acquérir cette chose que tu souhaites, plus cette chose-là a de la valeur, et plus tu seras obligé de sacrifier. Ah, sacrifier, tu n'auras pas le choix. Et faire des efforts, oui, mais sacrifier, tu n'auras pas le choix. Et faire des efforts aussi. Mais tu seras obligé de sacrifier. Que dire de l'maut? Ce voyage éternel, pas de retour, khlas, personne qui t'accompagne, tout seul dans ta tombe, pendant des milliers d'années, tu devras rendre des comptes. Juste le jour de la résurrection, ça dure combien de temps? 50 000 ans, le jour de la résurrection. Combien de temps tu vas passer dans ta tombe? Haddith wa la haraj. Allahu ta'ala a'lamu ahkam. Comment ça va se passer au moment où ton âme va sortir et va quitter ton corps? Allahu ta'ala a'lamu ahkam. Et avec cela, fa wa rabbil ka'ba, combien de gens sont dans ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance? Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Non, plus que cela. Combien de gens souhaitent que la mort vienne vers eux le plus rapidement possible? Ils souhaiteraient déjà être morts, wal-iyadu billah. Avons-nous compris, ayyuha al-ahibba, ce que c'était que la mort? La mort, ayyuha al-ahibba, al-mawtu sayati baghta. Ah, ça va venir soudainement. Que tu meurs d'une mort subite, ou pas. Quelque part, ça va venir subitement. On est d'accord? Même si tu meurs, alors que, ici, il y avait des prévisions, parce que tu étais très malade, tu étais sur ton lit d'hôpital. Mais est-ce que les médecins pourront te dire, khlas, demain, à 7h35 et 15 secondes, tu vas mourir? Non. Même si tu sens que tu es en train de mourir, et que tu vois ta famille autour de toi, et tu vois tes enfants en train de pleurer, et tu vois ton épouse en train de pleurer, ou bien l'épouse voit son mari et ses enfants en train de pleurer, et ses parents aussi, et que tu sais que personne ne peut rien pour toi, et que tu sens al-maut, ici prendre le dessus, et tu te sens de plus en plus faible, comme beaucoup de gens ont vécu cette chose-là, ayyuha al-ahibba, alors qu'ils étaient sur le lit de mort, ala al-firash, ou ala firash al-maut. Walakin, même avec cela, personne pourra te dire à telle minute et telle seconde tu vas mourir. Dans tous les cas, elle va venir subitement. Mais maintenant, parlons de la mort qui va venir d'une façon, si on veut, et pour bien comprendre la chose, très subitement. Ceci fait partie de ashrat ou sa'a, les signes de la fin des temps aussi. Al-Maut, que les gens la souhaitent, هذا من أشرات الساعة رواه الإمام البخاري comme on l'a vu. Que les gens souhaitent la mort dû à leur manque de compréhension. Et ils ne réalisent pas, les pauvres. Les pauvres, Wallah, on les appelle les pauvres. Ils ne réalisent pas ce qui nous attend, Fawarabbil Ka'ba. Je ne dis même pas le jour de la résurrection. Je ne dis même pas dans la tombe. Mais je dis simplement, عند السكرات والكروبات. Au moment de l'agonie et des affres de la mort. Ce moment-là où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam prenait sa main et la mettait dans un récipient d'eau et il sortait sa main et il nettoyait son visage avec de l'eau. Alayhi salatu wassalam, Khalilur Rahman, l'ami intime du miséricordieux, celui qui a dit lors de ses derniers instants de sa vie, Wallahi par Allah, je souffre, inni la'u'aku kama yu'aku rajulani minkum, je souffre comme souffrent deux hommes d'entre vous. Il disait à ce moment-là, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, Allahumma hawwin alayya sakarat il mawt. Il disait, la ilaha illallah, certes la mort a son agonie. Et il mettait de l'eau sur son visage, alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah, certes la mort a son agonie. Et il faisait des invocations, alayhi salatu wassalam, alors qu'il souffrait énormément. Et il disait, Allahumma hawwin alayya sakarat il mawt. Ya Allah, allège pour moi l'agonie, les affres de la mort. Ya Allah, allège pour moi les affres de la mort. Qu'est-ce que tu vas dire et qu'est-ce que je vais dire, ya Abdallah? Allahumma sallim sallim. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Le jour où des gens disent, c'est pas grave, moi je veux mourir et j'aimerais être à la place de celui qui est enterré ici. Hada min ashrati sa'a. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Cette personne ne réalise pas ce qu'il va se passer juste au moment où son âme va quitter son corps. Son âme va quitter son corps. Juste cette situation, Fawarabbil Ka'ba, il réalise pas ce qui va se passer comme il se doit. Al-Mawt ayyul Ahibba, qui va venir de façon soudaine. Hada min ashrati sa'a. Et ça nous met encore plus en garde contre la mort. Parce que dire tu vas mourir, c'est une chose. Et dire qu'il y a des gens qui vont souhaiter être à la place de cette personne qui est enterrée dans telle et telle tombe, c'est une autre chose. Ça nous fait encore plus peur, parce qu'on sait que là, on s'approche à grands pas et à vive allure des grands signes de la fin des temps, wal'iyadu billah. Mais dire en plus, ya Abdallah, que la mort, parmi les signes de la fin des temps, plus tu vas t'approcher des signes de la fin des temps, et al-maut va venir subitement, ah, elle va toucher les gens de façon subite. Les morts subites. À titre d'exemple, crise cardiaque. La personne est en bonne santé, la personne tout va bien pour lui, la personne est un grand sportif célèbre et connu, et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une leçon et un exemple à l'ensemble des gens, pas simplement les musulmans, mais à l'ensemble des gens sur la surface de la terre, et il nous rappelle que quoi? Al-mawtu sayati barta. Écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et le hadith est rapporté par At-Tabarani, jugé fiable par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', inna min amarati as-sa'a an yadhhara mawt al-faj'a. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a 14 siècles, ayyuhal ahibba, bien plus que cela, plus que 14 siècles. Il dit alayhi salatu wassalam, parmi les signes précurseurs de l'heure, qu'est-ce qui se passera? On a vu précédemment que l'homme yamurru bi qabri rajulin fa yaqula ya laytani makana. Si seulement j'étais à sa place. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle d'un deuxième signe. Et ces deux signes se réunissent. Et regardez ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam. Il dit, parmi les signes précurseurs de l'heure, il y aura la mort subite qui va apparaître. C'est-à-dire, il y aura de plus en plus de morts subites. C'est ce qu'on voit. Fawarabbil Ka'ba, il y a quelques temps, quelques semaines, on l'a vu. J'ai un de nos proches qui est décédé. Fawarabbil Ka'ba, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, devant mes yeux. Il est décédé alors qu'ils essayaient de le réanimer. Et il était devant moi impuissant. Alors qu'il y a quelques jours auparavant, je le voyais. Il souriait, il marchait, il mangeait, il se portait bien. Il était en pleine forme. Comment il est mort? Comment il est mort? Crise cardiaque. Il avait quel âge? 70 ans? 100 ans? 120 ans? Il avait quel âge? Un peu plus de 25 ans? Il est mort d'une crise cardiaque. Et après cela, on va dire, le prophète alayhi salatu wassalam, je ne sais pas s'il dit la vérité. Ou bien les signes de la fin des temps, j'y crois pas trop. Ou bien qu'on s'approche des grands signes de la fin des temps ou de la fin du monde, j'y crois pas trop. Il y a 14 siècles, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, ayyuhal ahibba. Et fawarabbil Ka'ba, il suffit d'ouvrir ses yeux. et d'écouter avec ses oreilles mais aussi avec son cœur, et de raisonner avec son cerveau mais particulièrement ou plus encore avec le cœur, pour voir que les morts subites ne cessent d'augmenter, surtout au jour d'aujourd'hui. La mort subite, ayyuhal ahibba. Et al-ulama, ils disent, les gens de science, ça ne veut pas dire que les gens vont mourir simplement de crise cardiaque, ou il y aura de plus en plus de personnes qui vont mourir de crise cardiaque. Non. La mort subite, ayyuhal ahibba, peut être provoquée par une crise cardiaque, par un accident, par une rupture d'anévrisme, par plusieurs choses. Et c'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes. Subhanallah, surtout des jeunes, que ce soit des musulmans ou non musulmans, comme on a dit tout à l'heure, des forts, des sportifs très célèbres. Pourquoi je dis très célèbres? Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que des millions et des millions et des millions de personnes voient que l'insan, il est faible, et que Malak al-Maut, il prendra l'âme ici quand Allah azza wa jal lui ordonnera, et nous on ne contrôle rien du tout. Et il nous rappelle, ayyuhal ahibba, que personne ne sait quand, comment et où il va mourir. Et on l'a vu à travers ici des vidéos que tout le monde a vues concernant des joueurs sportifs. Pourtant, quand on dit joueur sportif de haut niveau, on pense tout de suite à pleine forme. Avec cela, fawarabbil ka'ba. Combien de gens Allah azza wa jalla envoie qui? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut, malakul maut, ayyuhal ahibba. C'est celui qui va te dire, ana malakul maut. C'est moi, l'ange de la mort. Maintenant, il devra prendre ton âme à ce moment-là. Quand l'ange de la mort viendra vers toi, il devra prendre ton âme. Peut-être certains diront, retarde ici, retarde ma mort d'une heure. Peut-être que je pourrais faire le bien, trop tard. Alors d'une minute, trop tard. Alors de quelques secondes, juste pour dire, subhanallah, encore une fois, trop tard. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal parle de ces insouciants. Et ces gens qui ne cessaient de retarder. Se dire, oui, j'entends le mot, d'accord. Voilà, que non, ça touche que les autres. Ça touche que les autres. Moi, je la vois la mort, mais moi, j'ai le temps, je pense. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit touché par la mort. Et ici, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, Ya Allah, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. Remets-moi sur terre, fais-moi revenir. Laisse-moi un retour, laisse-moi un délai. Les gens diront ça. Ya Rab, un délai. Imagine-toi, on te dit, tu meurs dans une heure. فوربي الكعبة, tu seras pris d'une panique. Tel que tu vas te lever, pleurer, tu ne sais même pas quoi faire. Khlash, je suis dans cette invocation. Je prends beaucoup de récompenses, mais est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus encore? Mon compte en banque, je vais le vider, je vais donner tout ça. Oui, mais est-ce qu'il y a une meilleure action que ça? Il me reste qu'une heure. Khlash, tu vas voir les secondes passer. Fawar Abdel Kaaba, c'est pas de la sueur qui va tomber de ton front, mais des litres d'eau peut-être. Des litres et des litres, tu sauras pas quoi faire. Tu vas dire, quelle bonne action? Aider un pauvre, où sont les pauvres? Faire du bien, aller voir mes parents sont trop loin. Pourquoi t'as pas fait le bien envers tes parents avant? Je vais aller faire du bien, apprendre la religion, trop tard. Tu vas apprendre quoi en une heure, et Abdallah? Tu vas aller faire quoi, Qiyamul Layl? C'est trop tard. La nuit va pas arriver. Et t'auras pas le temps de faire Qiyamul Layl. Tu viens? Malak al-Maut, il vient dans une heure. Tu vas dire quoi? Ya Allah, qu'est-ce que je dois? Tu seras pris de panique. Mais pourquoi cette panique? C'est trop tard, ya Abdallah. Est-ce que là, on est pris de panique? Tranquille. Masha'Allah. Ah, là, on est dans un mouvement de panique. Là, pas de panique. Pourtant, peut-être, ça va arriver dans une demi-heure. Walakin al-insan, l'être humain, il est beaucoup dans l'insouciance, malheureusement. On ne dit pas de couper avec la vie d'ici-bas jusqu'à arriver à un point où on reste enfermé dans une mosquée, on pleure toute la journée, on ne veut plus boire et manger. Abadan. Walakin ayyuhal ahibba, le meilleur des rappels, c'est le maut. Et le maut, ayyuhal ahibba, c'est ce qui va causer la séparation entre l'homme et sa femme, entre la femme et son époux, entre les parents et les enfants, entre les grands-parents et les parents, entre toute personne ici. Il y aura une séparation à un moment ou à un autre. Et la cause de cette séparation sera sûrement al-maut, la mort. Et tu n'as pas le choix. Et tu partiras et tu ne reviendras pas sur cette terre, ya Abdallah, pour faire des bonnes actions. Mais tu te retrouveras dans une terre blanchâtre. Et cette terre, ayyuhal ahibba, c'est la terre du rassemblement. Et dans cette terre, ayyuhal ahibba, on ressuscitera tous, nus, non circoncis, pieds nus. Aïcha radiyallahu anhu, elle dit, ya Rasulallah, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes nus pour montrer, regardez la pudeur qu'avait Aïcha, elle a été étonnée. Mais on ne réalise pas, Yolahiba, ce qui nous attend comme il se doit. Regardez même Aïcha. Elle n'a pas réalisé comme il se doit. Et nous, on a du mal à réaliser comme il se doit. Pourtant, les exemples sont clairs. Allah et le prophète s'adressent à nous, ici, avec des exemples que tout le monde peut comprendre. Nus, non circoncis, pieds nus, les hommes et les femmes, l'un à côté de l'autre, alors qu'au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que le fait de voir une femme qui passe devant toi et qui est dénudée, ou bien qui a mis du parfum, ou bien qui a des talons et qui fait du bruit quand elle marche, l'homme peut être attiré. Que dire si la femme est toute nue devant toi, ou l'homme est tout nu devant toi, ya urtil karima, inna Allah ala yastahi min al-haq. Mais sache, regarde pour voir l'ampleur et le moment qui sera terrible, qui est le jour de la résurrection, tout le monde tout nu l'un à côté de l'autre, et chacun pensera qu'à sa propre personne, et à ce moment-là, les gens, wallahi al-adim, ils ne chercheront ni à travers, ou ni après leur père, ni après leur mère, ni après leurs enfants, ni après ceux qu'ils ont chéris, ni après ceux qu'ils ont aimés, ni après, walakin, tout le monde dira, nafsi, nafsi, nafsi, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, le jour où le frère fuira de son frère, de son père et de sa mère, de son conjoint et de ses enfants. C'est quand? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien du tout, sauf celui qui se présentera devant son Seigneur avec un cœur saint. Ce jour-là, يَوْلَ أَحِبَّةٌ, où le soleil sera au-dessus des têtes, et il y aura des gens selon leur degré de péché. Ils auront de la sueur, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, d'autres jusqu'aux, d'autres seront noyés par leur sueur, tellement qu'ils avaient péché. Ce jour-là, personne ne prêtera attention à qui est à côté de lui. Bien que les êtres humains seront sur cette terre qui est la terre, Ardul Mahshar, la terre du rassemblement, nus, non circoncis, pieds nus. Avec cela, tout le monde dira, nafsi, nafsi, nafsi. Est-ce qu'on a réalisé comme il se doit ce qui nous attend, Yol Ahibba? Naam, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une matrix. Ce n'est pas un monde qui n'existe pas. C'est une réalité. Et on sait très bien qu'on est faible. Et on sait très bien qu'ayol ahibba, tu peux tomber ne serait-ce que de 3 ou 4 marches. Une petite hauteur, tu tombes mal, tu peux mourir. L'être humain, il est très faible. On a vu des gens, ayol ahibba, simplement parce qu'ils ont glissé, ou ils sont mal tombés, ah, de la hauteur de quoi? Quelle hauteur? Pas d'hauteur. Khlas, il était juste debout. Ah, même le sol, il est mal tombé, il est mort. Des gens qui étaient en pleine forme, crise cardiaque. Des autres qui marchaient, rupture d'anévrisme. Une autre personne qui marchait, il rigolait, et il avait fait des projets, et des projets, et des projets. Une voiture est passée, l'a écrasée. Met. Combien d'enfants, ils n'ont même pas encore vu le jour, ils ne sont même pas encore sortis du ventre de la mère, et voilà qu'on nous appelle, pourquoi? Parce qu'il a passé les 4 mois, et ils ont dû sortir l'enfant du ventre de la mère, et on est parti pour les laver. Combien? Plein. Combien d'enfants on a lavé? Ils avaient 5 mois, 6 mois, 7 mois. Ils n'ont même pas encore vu le jour, ils sont morts. Combien d'enfants, ils sont morts à 4 ans, 5 ans? Combien d'enfants, ayol ahibba, ils sont morts à 10 ans, 12 ans? Combien de personnes, ils ont 100 ans, ils attendent toujours al-maut. Mais ils vont mourir ou pas? Ils vont mourir. La mort n'a pas d'âge. Al-maut, elle n'a pas d'âge, ayol ahibba. Al-maut, elle n'a pas un endroit spécifique. Al-maut n'a pas un temps spécifique. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que le maut, la mort, va venir et nous toucher, même si on est dans des tours imprenables. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que la mort va nous toucher, même si vous êtes dans des tours imprenables. Ça, c'est pour nous rappeler, ayol ahibba, que l'insan, il ne peut pas être à l'abri de la mort, qu'il soit fort ou qu'il soit riche, qu'il soit dans un palais ou qu'il soit dans un bidonville, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, qu'il soit jeune ou qu'il soit très âgé, qu'il soit savant ou qu'il soit ignorant. Personne n'est à l'abri de la mort. Donc tout le monde doit rester sur ses gardes. Tout le monde doit rester sur ses gardes. Ce n'est pas, je reste sur mes gardes pendant 3 heures, je prends une pause, ensuite je remets ma garde, en plus c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'être humain pour une vie de lutte. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jusqu'à ton dernier souffle, tu dois rester sur tes gardes. Et pas tomber dans ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance, du moins dans l'excès dans l'insouciance, ya Abdallah. Écoute ce que disait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi. Il avait bien compris, ayol ahibba, que cette vie était éphémère. Il dit, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam m'a pris. Il a pris Abdullah ibn Umar par son épaule et il lui a dit, Kun fi dunya ka annaka gharib aw abir as-sabil. Sois ici-bas comme si tu étais un étranger ou quelqu'un qui est en voyage. Regardez la recommandation prophétique. Et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu an abi, a bien compris ces paroles, il les a mis en application, et regardez les fruits qu'il en a tirés de ces paroles-là. Et Abdullah ibn Umar a dit, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ولمرادك لموتك. أو كما قال عبد الله بن عمر. Ici il disait, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Et prends, وخذ من صحتك لمرضك. Ici, et prends de ta bonne santé, pour ta maladie. Et prends de ta bonne santé, pour ta maladie, et de ta maladie, pour ta mort. Quand tu es en bonne santé, en profite avant que tu sois malade. Quand tu es malade, en profite avant que tu sois mort. Et quand tu es en bonne santé, dis-toi demain je serai malade. Et quand tu es malade, dis-toi demain je serai mort. Ça, c'est les recommandations dont on doit vivre avec, pour rester sur nos gardes comme il se doit. Parce qu'il nous faut des outils pour rester sur nos gardes. Et ces outils-là, ce sont ces rappels que nous ont donné les compagnons, que nous a donné le prophète, alayhi salatu wa sallam, que nous a donné Allah azza wa jalla, que nous a donné aussi les salafs, comme Soufiane al-Thawri. Malaka la tanam ya Soufiane, qu'est-ce que tu as à ne pas dormir? Wallahi, à chaque fois que je me dirige vers mon lit, tadhakkar tout le monde, je me suis rappelé de la mort, khlas. Le sommeil s'en est allé, pas pour des factures, pas pour dunya, pas pour des problèmes de la vie d'ici-bas. J'ai un problème avec mon épouse a un problème avec le mari, mes enfants, non, al-maut. Ce qui va couper court à tous ces problèmes. N'importe quel problème que tu as, il va se terminer, il a une fin. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à quoi? À disparaître, à éphémériter. Même que tu as un problème ou le plus gros des problèmes. Walakin ici, Abdallah, il terminera. Car tu dois mourir. Mais si tu as un problème ou alors une épreuve qui touche ta religion, là c'est un problème. Là c'est un problème, dis si tu veux, c'est un véritable problème. Car être éprouvé dans sa religion, ya ibad Allah, ça te suivra dans le delà. Tandis qu'être éprouvé dans la santé, ça va s'arrêter. Être éprouvé dans ses enfants, ça va s'arrêter. Être éprouvé avec son épouse, ça va... Mais si tu es éprouvé dans ta religion, dans ta foi, là c'est autre chose, ça te suivra. Et c'est pour ça que la plus grande des épreuves, c'est d'être éprouvé dans sa foi, son iman. Et c'est pour ça que l'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, avait dit une parole dans le sens qui vaut plus que de l'or, et il disait, je m'étonne de voir des gens qui se mettent à s'attrister et à pleurer quand ils sont en face d'une personne qui est décédée. Mais pourtant, quand ils voient une personne vivante devant eux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils donnent aucune considération au fait que cette personne est certes vivante, mais à son cœur mort. Il dit alors que normalement on doit pleurer vraiment comme il se doit quand tu parles avec une personne, bien qu'il marche, mais son cœur est mort. Et la personne qui avait un cœur vivant ici-bas, qui était pieux et vertueux, qui décède, ya ibad Allah, celui-là on doit se réjouir pour lui parce qu'il est mort avec un cœur sain, un cœur bon. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le roi Al-Malik, c'est le cœur, c'est le principal, le cœur. Voilà qu'il y a des gens, tu rigoles avec eux, tu ris avec eux, tu leur donnes pas le bien, tu leur interdis pas le mal, avec bonne exhortation et avec douceur et sagesse, alors que leur cœur est mort, wa l'ayadu billah. Regardez As-Salaf, regardez As-Sahaba, regardez ici As-Salihin, les pieux, les vertueux, les gens qui ont compris cette religion, les exhortations qu'ils nous ont données, ayyuhal ahibba. Et c'est pour ça, ayyuhal ahibba, que ici, c'est une exhortation pour tous et toutes. Et pour moi le premier. Quand on sait que la mort vient de plus en plus subitement, qu'on sache awwalan que c'est parmi les signes de la fin des temps. Et que si le prophète a dit apparaîtra, c'est-à-dire dans le sens de se propagera. Et sera de plus en plus présente, comme elle n'était pas présente, ce type de mort, à une époque antérieure. Ça veut dire, ayyuhal ahibba, s'il y a de plus en plus de morts subites, peut-être que nous, on va être touchés, d'accord? Et même plus que cela. On peut dire même, il y a de fortes chances qu'on soit touché par cette mort, al-faj'a, celle qui va venir d'un coup, subitement. Ça, c'est pour nous rappeler, tu dois être deux fois plus sur tes gardes. Deux fois plus sur tes gardes. Parce que on applaudit ce qu'on veut. Une personne qui est mort d'un cancer ou d'une maladie, quelque part il s'y attendait. Donc quand tu t'y attends, tu es poussé à plus faire, ou tu es poussé à faire de plus en plus de bonnes actions. D'accord? C'est comme si quelque part on te dit, ça y est, on te prépare, ça arrive. Ça y est, t'as un cancer. Les médecins vont donner des prévisions. Il te reste 6 mois, 1 an. Bref, tu sais que c'est très, très proche. Mais imagine-toi de la mort subite. C'est pas pareil. Tu ne t'y attends même pas. Tu sors de chez toi, tu n'as même pas, tu as fait des plans à 10 ans. Tu étais sorti pour acheter une baguette, tu ne savais même pas que tu allais plus revoir tes enfants, ta femme, tes rien. La sœur est sortie de chez elle juste pour aller faire une petite course ou aller visiter une sœur. Elle avait des projets. Et peut-être elle s'accrochait à des choses mondaines de la vie d'ici-bas, à des plaisirs. Elle ne sait même pas qu'elle va même pas pouvoir rentrer chez elle parce que peut-être elle va faire un accident. Regardez, si la personne vit quotidiennement et toujours sur ses gardes, quant au fait de rencontrer cette mort et peut-être de façon subite, fawarabbil ka'ba, que les problèmes de la vie d'ici-bas et l'attachement avec cette vie d'ici-bas va venir ou devenir quelque chose, wallah il a d'aucune valeur. Ou alors d'une, yani il va pas lui donner beaucoup de considération. Arriver à un point, ou jusqu'à ce qu'il arrive à un point, où il glisse et il s'écarte de la religion à cause de ces choses qui sont éphémères. Mais il va rester toujours ferme, toujours sur ses gardes. Bien qu'il fera des erreurs, walakin il y a erreur et erreur. Bien que sa foi va baisser, mais il y a la foi qui baisse et la foi qui baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Bien qu'ici, quelquefois, il se trompe, mais il y a se tromper et se tromper. Bien que quelquefois, il dérive, mais il y a dérivé et dérivé. Et celui qui est constant sur ses gardes, wallah il azim qu'il aura un trait rouge qui ne dépassera jamais bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, la personne n'a jamais le droit d'être trop sûre d'elle. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, parmi les invocations, comme le disait Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, qu'il répétait le plus, c'était quoi? Ya muqallib al qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, laisse mon cœur sur la religion. Il n'est jamais sûr de lui, l'insan. Ou alors trop sûr de lui, abadan. Peut-être demain je peux être un pervers. Peut-être demain je peux glisser. Walakin, il est toujours sûr, toujours sur ses gardes. Et c'est ça le croyant pieux et vertueux, intelligent. Il reste toujours sur ses gardes. Et celui qui est toujours sur ses gardes, jamais tu l'entendras dire, oh, alhamdoulilah, j'ai ma place au paradis. Oh, moi, alhamdoulilah, j'ai déjà fait assez de bien. Oh, moi, alhamdoulilah, moi, j'ai travaillé, j'ai fait da'wa, il y a une époque, maintenant, place aux jeunes. Ah, badan. Celui-là, il a pas mis sa garde comme il se doit. Celui-là, il n'est pas sur ses gardes. Wallah, al-adim, il est trop sûr de lui. Et il ne sait pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou peut-être, il le sait, mais il ne l'a pas compris. Ou peut-être, il le sait, il l'a compris, mais il n'a pas réalisé comme il se doit ses paroles prophétiques. Alayhi salatu wassalam, quand il dit, il y a des gens, na'am, il y aura des gens qui vont faire des actions et des actions et des actions et des actions. Ah, c'est des actions des gens du paradis. Subhanallah. Et ils vont être à une coudée du paradis. Ils vont faire une action qui fait d'eux un habitant de l'enfer, du feu. Et de l'autre côté, le prophète alayhi salam a dit, il y aura des gens qui vont faire des mauvaises actions et des mauvaises actions et des mauvaises actions. C'est-à-dire des actions des gens de l'enfer, des mauvaises actions. Ils seront à une coudée. Ah, une coudée de quoi? Une coudée de l'enfer. Khlas, toute sa vie. Innamal a'malu bil khawatim. Ah, le prophète, il nous rappelle. Sois pas trop sûr de toi. Les actions ne valent que par leur fin. Reste toujours sur ta garde. Attention. Et s'il va faire des actions des gens de l'enfer, une coudée de l'enfer, il va faire une action des gens du paradis et cette action va faire de lui, par la permission d'Allah Azza wa Jal, un habitant parmi les habitants du paradis. Certains gens de science, comme Cheikh Al-Uthaymi, rahmahullah ta'ala, kamaja, yani, dans le charh de ce hadith-là, il dit, ça, c'est les gens qui ont eu soit des bonnes ou soit des mauvaises intentions. Celui qui faisait des actions des gens du paradis, c'est des actions. Donc il faisait plein d'actions. Voilà qu'Allah Azza wa Jal l'a scandalisé lors de ses derniers instants. Et il a fait de lui un habitant parmi les habitants de l'enfer, car il faisait ses actions pas vraiment sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Tandis que l'autre, il faisait des actions mauvaises, son intention mauvaise, dans le mal. Voilà qu'il, quand il a fait une action, et quand il se repentit, il était sincère. Ah, innama al-a'malu bin-niyyah. Et cette sincérité, d'accord, qui a précédé l'action, a été la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, fasse de lui un habitant parmi les habitants du paradis. Sois jamais trop sûr de toi. Reste toujours sur tes gardes. Et surtout, au jour d'aujourd'hui, on vit ce signe de la fin des temps, qui est la mort subite apparaîtra. T'étonne pas. Si tu entends, ton fils est mort subitement. Pourquoi? Allahu a'lam. Autopsie sur autopsie, rien. T'étonne pas. Si tu entends que ta fille va mourir subitement. T'étonne pas. Si tu te vois toi, directement, il te reste quelques instants pour réfléchir, quelques fractions de secondes. Pourquoi? Car tu vois une voiture. Une voiture arriver à vive allure vers toi, khlas. Malak al-Mawt vient prendre ton âme. T'étonne pas. Nous sommes en train de vivre les signes de la fin des temps. Et al-Mawt va venir de plus en plus subitement. Et c'est pour ça, yu al-Ahibba, soyez tous sur vos gardes et ne vous faites pas tromper ici et ne vous faites pas duper par shaytan, la'anahullah, et par la vie d'ici-bas. Et quand tu as une bonne santé, en profite. Et quand tu as du temps libre, en profite. Sinon, tu risquerais de te faire avoir, de te faire duper. Rapporté par l'imam muslim, qala rasulullah alayhi salatu wassalam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-farah. Deux bienfaits dont les gens sont dupés, se font avoir, se sont fait tromper et se font tromper. C'est le prophète qui l'a dit, rapporté par muslim. Deux bienfaits. Ni'matan. Deux bienfaits. C'est des bienfaits. Ah. Mais ces bienfaits, tu t'es fait avoir par ces deux bienfaits, ya Abdallah. Le prophète, il le dit. Beaucoup de gens se font duper ou se font tromper. Et il dit quoi? La bonne santé et le temps libre. Quand tu as une bonne santé, tu oublies, tu te fais avoir par cette bonne santé. Et Abdullah ibn Omar, il disait quoi? وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Et prends de ta bonne santé pour ta maladie. Et ici, beaucoup de gens, quand ils sont en bonne santé, ils peuvent faire le hajj, ils ne le font pas. Ils peuvent faire des bonnes actions, ils ne le font pas. Ils peuvent faire du bien, ils ne le font pas. Et ils se font avoir. Et le temps libre, combien de gens ont du temps libre? Ils peuvent apprendre leur religion, ils ne le font pas. Ils préfèrent ici s'allonger et perdre leur temps dans des choses qui, yani, valorisent l'âme instigatrice au mal et qui fait plaisir à l'âme instigatrice au mal. Ils s'allongent et ils regardent des séries TV ou des émissions ou des choses, ayyuhal ahibba, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fait avoir, il s'est fait duper. Et donc, te plains pas après. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit, deux bienfaits dont beaucoup de gens se feront duper. Et combien de gens se sont fait avoir par ces deux bienfaits, la santé et le temps libre. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.